Chapitre 19 Au tas. Puisque nous sommes dans le panier où tant de pantinoises et de parigotes ont défilé et défileront encore, hélas, restons-y un instant pour notre instruction et livrons-nous à une petite étude in anima vili qui facilitera la lecture de ce récit pour les non-initiés. Il est bien mêlé, ondoyant et divers, le monde louche et déguenillé qui grouille dans les geôles au moment de la bonne année. Il se compose, certes, de plus de victimes que de vrais coupables. Quand l'hiver est dur, quand le pain est cher, les arrestas augmentent dans d'effrayantes proportions. Et combien de sans-travail rappliqueront d'eux-mêmes au clou pour engager leur liberté contre une boule de son et une paillasse à vermine. On peut dire que les trois quarts des emprisonnés méritent intérêt et humaine pitié. Qu'on le juge. Les délits qui, par leur nombre excessif, dominent tous les autres réunis sont le vagabondage, l'ivresse publique et manifeste, pige et chopin, et la mendicité. Viennent ensuite, dans des proportions relativement faibles, le vol, l'escroquerie, la filouterie, la rébellion contre les gardiens de la paix, les coups et blessures, l'adultère, l'outrage aux mœurs, les vols qualifiés et l'assassinat. Du côté des dames, c'est naturellement le truc, la prostitution qui fait nombre. Et encore faut-il ajouter que, sur une moyenne de 100 écroués, il n'y a pas 20 femmes. Ceci soit dit à l'honneur du meilleur sexe. Par an, dans le seul département de la Seine, il y a 80 000 arrestations et mandats d'amener, exécutés ou non. Les 4/5 de ces prévenus sont illettrés. La profession qui tient la corde, comme chiffre, est de beaucoup, et celle des journaliers. Voilà qui est significatif, et ne veut pas dire cependant que les boursicotiers, les bonnaires, soient plus honnêtes. Au contraire, combien de voleurs faut-il pour faire un banquier? Dans la majeure partie des cas, les choses se passent ainsi. Un individu quelconque est arrêté pour un fait sans gravité, insulte aux agents ou soulographie, toujours comme les Chopins, on le gerbe, on le juge et on le sape, on le condamne. Bien, il a perdu son travail, il n'a plus de référence à donner, il est à l'index et à l'œil. Le voilà sans gîte et sans pain, dans la rue. Illico et dardard, on le repoisse, on le ramasse de nouveau, pour vagabondage, et ainsi de suite jusqu'à plus soif. Il est récidiviste, gare la sauce. En prison, au tas, il se corrompt par la contagion de l'exemple. Il apprend la théorie du vol, et une fois en liberté, il passe à la pratique. C'est un être perdu. Il roulera de prison en centrale pendant le restant de ses jours. Et il échouera finalement à la Nouvelle ou à l'abbaye de Saint-Pierre, dit Mont à regret. L'échafaud. Voilà comment on commence et comment on finit. C'est la loi physique et fatale d'accélération de la chute des corps et des êtres. On entre dans cette voie par entraînement, par hasard ou par nécessité. Puis, l'habitude aidant, on y reste par goût. Cela devient une profession. En argot, ne dit-on point « travailler » pour tuer et voler? Dans cette partie, comme dans toutes les autres, il y a de véritables artistes. Il y a même eu des philanthropes et de bons soutiens de famille. Exemple classique. Raffina, le maître du fric-frac, débouclait les lourdes, rinçait les cambrioles, volait avec effraction, au bénéfice de ses braves parents, qui ne se doutaient guère de la provenance de la douille et du carne que leur a boulé leur fieu. Jadin, plus poilant encore, laissait de son bon pèse dans les pauvres logements de misère quand il lui arrivait d'en fracturer de temps à autre par inadvertance. Que dire aussi de l'habileté merveilleuse de certains pickpockets qui vident gracieusement vos poches sans que vous éprouviez le plus léger contact? Ça, c'est bien de l'art, et pas si facile que le coup du Panama pour messieurs les financiers. Les pratiques que le panier à salade promène journellement dans Pantin, Paris, ont mille moyens, plus ingénieux les uns que les autres, pour vivre aux dépens des malheureux pantes. Voici quelques genres de vols très courants. Le vol à la tire, dont tout le monde a été plus ou moins victime, à l'étalage, lequel est une façon de faire marcher le commerce, à la glu, en introduisant simplement et sans esclandre une baguette enduite de poids dans les troncs des églises. Au poivrier, qui s'exerce au détriment des honnêtes pochards échoués sur la voie publique. À la détourne, dans les magasins, au fric-frac, c'est-à-dire avec effraction, nous l'avons dit, à l'anglaise, en s'offrant un copieux repas avec l'intention bien ancrée de ne jamais s'occuper de l'addition, à la roulotte, en enlevant les marchandises des camions et quelquefois la voiture et les chevaux avec, ce qui est peu goûté en général par les cochers et même par leurs maîtres, au tiroir, à l'américaine, à l'esbrouf, mais on n'en finirait pas s'il fallait mentionner tous les moyens d'existence de ceux qui, juridiquement, n'en ont aucun et qui ont le tas pour résidence habituelle. Les prisons, leur domicile, ont des sobriquets que nous traduirons une fois pour toutes. Mazas, c'est Notzas. La santé, la Santoche. La roquette, la Grande Roque. Sainte-Pélagie, Pélago. Saint-Lazare, Saint-Lague. Le dépôt, le tas ou la commode, et la conciergerie, la tour. C'est là où vont les cochers et les princes en maraude. Dernière note en passant. Les pégriots et les escarpes sont en général vantards et prodigues. Un trait distinctif de leur caractère sauvage, c'est le mépris qu'ils professent pour les femmes, leurs gerses, leurs marmites ou leurs ouvrières. De là à être mac, il n'y a qu'un pas vite franchi, toujours de naissance. Ils sont aussi habiles dans leurs entreprises que maladroits pour se cacher après leurs méfaits. Le chiffon rouge, la langue, les perd invariablement. D'ailleurs, ils ne peuvent se détacher de leur milieu et de leur connaissance, c'est leur fin. Les voleurs intelligents ne vivent pas en commun et se déplacent continuellement. Ceux-là sont imprenables et ne vont pas dans le panier à salade, la roulante du tombeau des vaches, sauf erreur et excuse, même le jour de l'an. Il y a des marioles qui se sont esbignées en douceur du panier, cette prison ambulante. Et c'est dur, on le verra par la suite. Décrivons en quelques lignes le dit omnibus des roustis. La voiture cellulaire se compose d'une allée centrale et de deux rangées de 8 ou 10 compartiments très exigus, dans chacun desquels on enferme un prisonnier. Dans ces sortes de boîtes formant armoire, on éprouve une sensation de malaise instinctif. Ceux qui sont passés par là, et s'accubent à Paris, pourraient en témoigner. Je ne sais quelle crainte vague et indéfinissable vous prend lorsqu'on se sent ainsi calfeutré, ramassé sur soi-même, assis, tassé, resserré, sans pouvoir se remuer. Et, quelquefois, quand ça donne, on met 2 hommes dans chaque boîte, les bouchées doubles. Alors, il faut qu'il y en ait un debout, le buste baissé, l'autre affaissé, ratatiné sur lui-même. Entre ces 4 planches, il n'y a pas un espace de plus de 50 centimètres. On n'est vraiment pas à l'aise. Chaque chaos de la rude guimbarde sans ressort plaque les voyageurs contre les parois en bois et en tôle. On est assis, bien entendu, dans le sens du cocher. On ne voit personne, puisque le compartiment est entièrement fermé et bouclé. C'est à peine s'il y a, par-ci, par-là, quelques petits ajours pour laisser passer l'air. On sort de ce trou, si l'on n'est pas une frappe ou une pratique, ce qui est la majorité des cas, moulu, brisé, démoralisé, avec des larmes de honte et de désespoir qui vous brûlent les yeux. Oh, que l'on est donc peu de chose, une fois pris dans l'engrenage impitoyable de la loi, que l'on souffre et que l'on peine. Il n'y a que les professionnels et les politiques qui réagissent. Les uns ont pour eux le métier, les autres la foi. Oui, toujours dans ces moments-là, vous vous souvenez du passé riant, de chez vous si chaud et si doux, de la famille, de la mère, des petites sœurs. Oh mon Dieu, que c'est loin tout cela. Et la femme et les bébés, si on en a. Misère. On se retrouve, frissonnant de froid et de peur, dans ce véhicule infâme, dans un de ces cercueils mouvants, de ces boîtes alignées, on dirait des bières posées debout, les unes à côté des autres, et l'on a la sensation qu'on n'en sortira jamais. Ah, mais c'est affreux. Et vous vous débattez, vaincu à la fin comme JB, vous vous déchirez les mains, vous suffoquez. Eh oui, toute sa fièvre d'alcool tombée, Chopin, le pauvre bougre, pleurait lui aussi sa maisonnée. « Je veux sortir, j'étouffe là !» Le gardien, qui se promenait dans l'allée du milieu, et le municipal assis à la portière, le rappelèrent bien vite aux convenances. « Attends un peu, on va t'en foutre, salaud! Ça t'apprendra à te saouler comme un cochon !»« C'est pas malheureux !» tonna une jeune voix léonine. « Sûr, j'en crèverai un !» Ça, c'était du bon Charlot. Et de rage impuissante, il hurla au fond du trou. « Merde, tas de vaches !» Il y eut un ressaut brusque de la charrette au bœuf et un roulement sourd sous des voûtes basses. On venait de sauter le bateau de la Sainte-Chape et l'on débarquait dans les bâtiments du palais à la permanence.